L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. La 25e édition du 4L Trophy aura lieu en février 2022. 1500 équipes prendront la direction du Maroc. Parmi eux, Laure et Léane de L4Help. Laure, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc pour nous parler de cette aventure. Vous êtes toutes deux étudiantes, l'une en master en chimie et l'autre à l'école d'infirmière à l'AXOU. Pour ton cas, c'est quoi la formation? Alors moi, je suis en master de chimie. Quelque chose d'assez éloigné de cette aventure humaine et assez originale que vous allez vivre au mois de février. 6500 km à parcourir en 12 jours avec des épreuves d'orientation à travers le désert, donc pour plus de 1500 équipes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Alors en fait, je pars avec ma meilleure amie. On avait fait un truc un peu fou, on avait sauté en parachute. On avait fait un saut en parachute ensemble. Et on voulait, avec la belle expérience-là, continuer sur quelque chose de plus gros et le 4L Trophy. Son frère, en fait, l'avait déjà fait. Il a fait l'édition de 2012, si je ne me trompe pas. Et donc, un jour, elle m'a dit « Viens, on y va ». Et j'ai fait « Bah oui, on y va ». Et en plus, c'est une belle aventure et on aide les gens en même temps. Le fait que quelqu'un que vous connaissiez, en l'occurrence le frère, l'ait déjà fait, ça vous a pas mal décidé aussi? Oui. Non, et en plus, on s'est dit que c'était pas mal comme image de reprendre. On va reprendre sa 4L. Ce qu'il l'avait gardé. Ouais. Donc on a tout refait sur sa 4L et on va repartir dans les mêmes conditions, entre guillemets. Je trouve que c'est assez joli. Une belle 4L jaune? Oui, voilà. Toujours la même couleur? Oui, ça nous tenait à cœur. On a même racheté des pièces pour la refaire jaune. Pour expliquer aux auditeurs, c'est peut-être la 25e édition, peut-être que certains ne connaissent pas un peu le principe. C'est pas forcément une course. Et puis derrière, il y a un rôle humanitaire derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de 4L Trophy? Alors oui, en fait, c'est pas du tout une course. Ça va être surtout sur les kilomètres. Donc il faut pas aller le plus vite possible, il faut juste faire le moins de kilomètres. Donc ce sera à la boussole. Dans le désert, on va devoir, ou alors on aura quelques indications de l'organisation, mais c'est peu précis, on va dire. Et on va s'arrêter dans des villages dans le sud du Maroc pour leur donner des fournitures scolaires, leur apporter du matériel médical, du matériel informatique et aussi des fonds pour construire des écoles, des salles de classe, des bibliothèques. Enfin, on va les aider au maximum. Donc, c'est une aventure aussi personnelle, c'est sûr. On va se dépasser, on va aller dans le désert. C'est pas forcément évident, c'est très fatigant apparemment comme aventure. Oui. Mais le geste est... est beau et je pense que c'est surtout ça qui est important. Effectivement, ça reste dans les mémoires, mais quand on est étudiante, l'une en master, l'autre en soins infirmiers, c'est des études qui sont très énergivores. On trouve le temps d'organiser comme ça une aventure comme le 4L Trophy? Alors oui, effectivement, nos études, elles prennent beaucoup de temps, mais nous, on s'y est pris bien tôt. On a fait la préinscription, en fait. Donc, il y a plusieurs étapes pour s'inscrire, il y a plusieurs périodes pour s'inscrire. Nous, on a commencé en début 2021. Donc en janvier, donc dès qu'on pouvait. Et on a essayé sur nos temps libres, etc. Enfin, ça se fait. Avec la motivation, on peut tout faire. Donc ça va pour le moment. On est plutôt bien avancé, je trouve. C'est essentiellement des étudiants. Enfin, c'est dédié aux jeunes de moins de 28 ans, je crois, ce 4L Trophy. Voilà, c'est ça. Alors c'est 100% étudiants, normalement. Donc il y a des dérogations pour les personnes qui ne sont plus étudiantes, qui peuvent le faire quand même. Mais oui, normalement, c'est vraiment axé sur les étudiants. Alors, le nom de votre équipage, c'est L4Help. Pourquoi ce nom, tout simplement? Alors, en fait, nos deux prénoms commencent par L. Donc, on a trouvé ça rigolo de pouvoir mettre 4L et L. Donc, en fait, c'est L4Help. Et nous, on l'a mis à l'anglaise pour faire... Et pour cette expérience humaine et mécanique, parce qu'il y a quand même une 4L qu'il va falloir conduire, mais un véhicule que vous ne connaissiez pas avant. Alors oui, effectivement. Donc en fait, on a eu y a Bernard, donc le grand-oncle de ma meilleure amie, qui nous a énormément aidé pour la refaire. Donc il s'en était déjà occupé pour le premier 4L. Nous, on va apprendre là. On a des semaines en décembre, on va passer du temps dessus pour apprendre. Après, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai quelques notions, les notions de base, parce que j'ai aussi une vieille voiture que je conduisais avant. Oui, ça, c'est la partie qui nous fait un peu peur, c'est la mécanique. Mais on ne se fait pas trop de soucis, parce que sur le 4L Trophy, il y a vraiment une énorme solidarité entre les trophistes, en fait. Et si jamais il nous arrive quelque chose, on sait qu'on pourra compter sur les autres. c'est un peu de l'entraide aussi entre les trophistes. Quand on est sur le terrain, on n'hésite pas à s'arrêter pour filer un coup de main aux autres, c'est voilà, ça ? Voilà, c'est ça. Bah, parce que c'est pas autant, donc on est là aussi pour montrer le meilleur de nous-mêmes, donc aider les autres, on est tous dans la même galère, si je puis dire. Et donc dans ce voyage aussi, donc direction le Maroc, hein, c'est ça ? C'est un pays que vous ne connaissiez pas avant ? Vous n'y êtes jamais allé ? Alors non, je suis jamais allée au Maroc, j'ai pas quitté l'Europe déjà, donc là oui, ça va être énorme, surtout qu'on traverse la France, nous, pour aller vers Bordeaux, vers Dax, oui. Pour ensuite traverser toute l'Espagne, mm-hmm. Pour ensuite traverser en bateau, et là, ça va commencer. L'organisation nous aide tout le long, mais... Pour traverser la France, déjà, on sera seul. S'il y a un problème mécanique, on verra nos capacités. Dans cette aventure aussi, il y a bien sûr la partie mécanique, mais il y a aussi la partie orientation. Là aussi, il faut peut-être s'y préparer. Comment on fait ? Il n'y a pas forcément un GPS sur place ? Alors là, c'est la boussole. Hein. C'est vraiment, on va partir avec juste la boussole. Quelques indications, par exemple, on m'a dit au caillou blanc, tourner à droite. Donc, il faut le trouver, le caillou blanc dans le désert. Effectivement. Oui, pareil, on va essayer de prendre du temps. On a encore quelques mois pour ça, pour la partie mécanique et la boussole. On va demander à des amis de nous faire des petits tests, je pense. Mais bon, ça, normalement, pareil. Si jamais on est vraiment perdu, l'organisation nous rattrape. Oui, vous n'êtes pas complètement abandonné. Voilà, c'est ça, c'est très, très sécurisé. Donc, on se dit, allons-y. Nous, on n'est pas là pour la gagne, on est vraiment là pour l'expérience. Quoi. Donc, Et puis aussi pour l'aventure humaine et ce que vous allez apporter à des enfants sur place, à des familles. Redites-nous un peu de quoi vous avez besoin, parce que la 4L va être bien chargée, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On va être bien chargé pendant tout le trajet. Donc, nous, on aimerait beaucoup avoir un maximum de fournitures scolaires. Donc, dans les fournitures scolaires aussi, il n'y a pas tout qui est accepté. Il faut se méfier. Par exemple, il y a les cahiers. Ça, on en a besoin. Les stylos, des trousses, des affaires de sport aussi, parce qu'ils n'ont rien du tout en affaires de sport. Du matériel informatique. Donc, ça, c'est si vraiment on arrive à trouver. Du matériel médical également. Toutes ces choses-là. Donc, après ça, sur nos sites internet, on va afficher la liste des fournitures qui sont acceptées et celles qui ne sont pas pour aiguiller les gens qui voudraient nous aider. Effectivement, alors vous avez déjà commencé à récolter du matériel ? Oui, alors ouais. On a pas mal de sponsors déjà, des entreprises qui nous suivent et on les remercie grandement. Ils nous ont donné aussi certains des stylos, des fournitures un petit peu, mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas encore récolté tout ce qu'il nous fallait, et c'est sur ça qu'on va travailler les prochains mois, les derniers mois de préparation. Votre équipage, c'est le 1557, donc c'est à ça. Suivre sur cette 25e édition du 4L Trophy. Et donc, si on veut vous aider, vous avez cité un site internet, différents moyens, j'imagine, les réseaux sociaux vont être disponibles. Alors oui, on a notre Instagram, donc c'est L4Help-4LTrophy. On a aussi notre page Facebook L4Help. Et on a notre site internet, donc https://l4help.wordpress.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 25e édition du 4L Trophy ? Qu'est-ce que vous en attendez peut-être le plus dans cette aventure ? Alors, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est la panne mécanique, ouais. Déjà. Oui, bien sûr. Et après, je pense qu'on en attend beaucoup, parce que ça a été une période quand même assez dure ces derniers temps, et je pense que ça va nous aider à avoir les pieds sur terre, à voir qu'il y a quand même des gens qui ont besoin, et nous aussi, de leur apporter, ça va nous faire du bien, de pouvoir voir qu'on sert à quelque chose, et que tout ce qu'on a fait là pendant cette année, ça a servi, et ça servira après. Merci Laure, et on pense à Léane aussi qui n'est pas en studio aujourd'hui. Merci, oui. Et bon voyage. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.